Le premier ministre coréen Park Bong-joo a adressé le Saint-Couron le message de félicitations à Emmanuel Issoze Ngondé, nommé premier ministre gabonais. Le destinataire a exprimé sa volonté de la collaboration active pour le développement continu des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et a souhaité succès dans son travail.